Les groupes de visite dans la patrie des étudiants de l'Université coréenne de l'Association générale des Coréens résidant au Japon, conduits respectivement par Ho Chol et Kang Jin-yong, doyens adjoints des facultés, et Lee Yong-hoon, ont déposé le 26 coron les bouquets de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu avant de rendre hommage.